France Inter. Le 13-14. Et on retrouve Jean Lebrun pour le vif de l'histoire, l'actualité étudiée à la loupe de l'histoire. Jean, le journal L'Opinion a consacré un dossier au prix du blé dans le monde sous le titre « La flambée de tous les dangers ». Les céréales, c'est la moitié des surfaces cultivées dans le monde. Le blé représente un quart, mais il se fait rare et cher, autour de 300 euros la tonne. Eh bien, pour nous, depuis une cinquantaine d'années, blé, ça signifie souvent fric. Mais oui. Mais je voudrais qu'on s'entende sur ces sens plus anciens. Au 19e, qui va nous retenir aujourd'hui, il désignait tout grain dont on pouvait faire du pain, toute céréale panificatrice d'hiver ou de printemps, le froment, mais aussi bien le métail, le seigle, l'orge, le sarrasin. Dans la France paysanne, on limitait le plus possible l'usage du froment pour soi et sa famille, parce que s'habituer à son goût savoureux, ça aurait été risqué d'en consommer davantage. Mmh. Et la prudence, au contraire, commandait d'économiser en prévision d'une crise de subsistance possible. On se souvient de la recommandation faite aux enfants qui ne savaient pas par quel labeur le pain était venu. Ta faim, mange ton coude. On mange ta main. Ouais. Le pain n'était pas à la base de l'alimentation de nos paysans. C'était la soupe, la nourriture fondamentale, et souvent le plat unique. Des céréales pouvaient s'y retrouver, maïs, millet, sarrasin, mais la châtaigne et la pomme de terre y jouaient un rôle premier, la châtaigne. Mmh. Le châtaignier ne déclinera qu'atteint par une maladie contemporaine du phylloxéra à la fin du 19e siècle. C'était l'arbre à pain. Et quant à la pomme de terre, tenez Frédéric, voilà une chanson berrichonne, chanson comme vous les aimez. Le petit qui dans son lit, qui braille, qui crie, qui fait la vie, sa mère lui dit, veux-tu te taire ? Eh bien, bourrons-le de pommes de terre. Vous nous le chanterez la prochaine fois, Jean. C'est Frédéric, c'est son rôle. Pour en revenir au pain, pour ne pas en dévorer trop et trop vite, et aussi pour économiser le combustible, étaient cuites de grandes fournées à un rythme lent, tous les 3 jours par exemple, mais aussi parfois, à la montagne notamment, une fois l'an. Un pain si dur qu'il fallait le couper à la hache, et néanmoins très fin, c'était nécessairement à consommer avec modération. Mmh. Dans les campagnes françaises, le four familial ne commencera vraiment à céder la place au four du boulanger qu'au milieu du 19e. Et le blé, c'est donc d'abord une question des villes. Il se négocie aujourd'hui 2 fois plus de blé dans le monde qu'il y a 20 ans. C'est une conséquence de l'urbanisation rapide à l'œuvre dans le monde, Jean. Et alors le citadin, non seulement il veut son pain quotidien, mais il le veut frais et goûteux. Le pain, ce n'est plus pour lui le fruit d'un long labeur, mais un moment de plaisir. Une anecdote significative. En 1869, le gouvernement impérial, dans sa mansuétude, veut fournir un soutien aux Parisiens pauvres sous forme d'un bon d'achat de pain noir. Eh bien, les bénéficiaires l'utilisent, mais en y ajoutant un peu de menu-monnaie pour acheter du pain blanc. Bon, ils savent pas ce qui les attend peu après avec le siège de Paris, mais la différenciation est activée depuis longtemps. Le citadin ne mange pas le même pain que le paysan. Et il ne s'agit pas seulement de pain. Le paysan reste durablement végétarien, même s'il dispose d'un porc, alors que le citadin devient carnivore. À la recherche d'une alimentation diversifiée, il entend ne plus consacrer au pain qu'un pourcentage minoritaire de son budget d'alimentation. Non, encore faut-il que le pain lui parvienne. Dans la crise actuelle du blé, on constate qu'une dizaine de grands pays seulement en exportent de manière significative. Dont la France encore, qui reste dans le peloton de tête après la Russie, avec l'Ukraine, avec les États-Unis. L'Égypte, par exemple, attend beaucoup de blé de la part de la Russie. Et les 2 premiers pays producteurs, eux, n'exportent pas ni la Chine ni l'Inde. J'en reviens à chez nous, au 19e siècle. L'amélioration des canaux, le développement des chemins de fer ont beaucoup fait pour la fluidité des échanges. Et aujourd'hui, 80% du commerce du blé se fait par la mer. Mais on en reste à l'analyse de Michelet, au 19e siècle toujours, qui disait « Chaque pays, il parlait des provinces françaises, mais peu importe, tient son blé captif. Les greniers de la Beauce peuvent crever de réserve, ils ne s'ouvrent pas aux voisins affamés. » Le blé, qu'on le retienne ou qu'on le libère, reste une arme d'intervention de première importance dans la géopolitique d'aujourd'hui. La moisson de Jean Lebrun. Merci Jean. Les auditeurs vous retrouvent demain pour Intelligence Service au menu. Simone Veil, la philosophe. Et ce sera vers 18h10. France Inter.